Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Oscar Duchemin. Je parcours le monde en van avec ma famille. En ce moment, on est en Russie. Et vous savez ce qu'il y a de génial avec ce pays ? C'est que c'est une terre de contes et de légendes. Et chaque mardi d'octobre, je vais vous en raconter une. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende du Domodvoy. Il y a très longtemps, au milieu d'une plaine ensoleillée, se trouvait une izba, abandonnée depuis si longtemps que la nature tapissait ses murs et son toit. Un après-midi d'automne, une famille s'y arrêta. Épuisés d'avoir parcouru le monde, les parents et leurs trois enfants virent dans cette vieille maison l'endroit idéal pour commencer leur nouvelle vie. Seulement voilà, à l'instant où ils ouvrirent la porte, un ronflement digne du plus terrifiant des dragons s'échappa. Tout le monde détala aussitôt. Dépitée, la pauvre famille décida, avant de reprendre la route, de se reposer sous un vieux chêne un peu plus loin. Alors que tout le monde ronflait, Maria, la plus jeune des trois enfants, fut réveillée par des pleurs qui venaient de l'isba. Maria pensa que, si un monstre l'habitait, il devait être malheureux comme les pierres. Ce chagrin-là était véritable, avec des larmes capables de faire déborder un lac. Intriguée, Maria s'approcha. La porte était ouverte. Une ombre recroquevillée sanglotait près du vieux poêle à bois. « Pourquoi es-tu triste ?» Les pleurs cessèrent. L'ombre frissonna et s'éclipsa. « Je ne te veux pas de mal, tu sais. » Dans l'obscurité, deux petits yeux jaunes se détachèrent. Maria sentit son cœur battre très fort contre sa poitrine, mais elle ne s'enfuit pas. Et là, dans la lueur du premier quartier de lune, un petit être poilu apparut timidement. On aurait dit une sorte de serpillière sur pattes, dotée de quatre longs bras. « Que t'est-il arrivé ?» Le regard du petit monstre s'embua. Il tendit à Maria un dessin d'enfant. Devant l'isba se tenait un vieillard, un homme, une femme et un petit garçon qui tenait par la main un drôle de petit être poilu. « C'est ta famille ?» Il hocha tristement de la tête. « Et ils sont partis sans toi ?» Nouveau hochement de tête, suivi de gros sanglots. Maria le prit dans ses bras. On ne pourra sans doute pas les remplacer, mais que dirais-tu si on venait habiter dans cette isba avec toi ? Son chagrin s'envola et le monstre entama une danse de la joie. Maria courut réveiller sa famille. Lorsqu'ils arrivèrent à l'isba, le poêle à bois était allumé, la poussière et les toiles d'araignée s'étaient envolées. Les frères de Maria s'émerveillèrent en découvrant un petit être poilu leur servir le thé. Leurs parents, eux, ne voyaient que des tasses flotter dans les airs. D'un coup, le souvenir d'une légende les frappa. Ce n'est pas un monstre qui habitait ici, mais un Domodvoy, un esprit bienveillant, protecteur du foyer, trop heureux d'avoir trouvé une nouvelle famille sur laquelle veiller. Cette légende, c'est juste un tout petit bout de la culture russe. Si vous voulez en savoir plus sur la Russie, on a écrit un carnet de voyage avec mes parents et ma sœur. On y parle de nos rencontres avec ses habitants, de leurs coutumes, des animaux, des monuments. Vous pourrez même apprendre quelques mots de russe. Il y a aussi des jeux, et on a glissé des tas d'autocollants. Rendez-vous sur lesminimondes.fr, les, mini, M-I-N-I, monde au pluriel, .fr, pour en savoir plus et le commander. Je vous laisse, on a encore des tas de choses à visiter. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle légende. Bonjour, je suis Alix de Mademoiselle. Cette semaine, c'est Laisse-moi kiffer qui a été sélectionné par Acast Recommande. Laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiff et de la digression qui sort chaque semaine et qui compte maintenant presque une centaine d'épisodes. Les équipes de la Brigade du Kiff et de la team Sucré-Salé te partagent leurs coups de cœur, leurs vides bolos et parfois leurs coups de gueule en digressant allègrement. Un podcast ultra feel-good qui te fera rire aux éclats, je te le garantis. Alors viens rire très fort avec nous en recherchant Laisse-moi kiffer sur l'application Acast ou sur ton appli de podcast préférée.